بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد نبدأ اليوم في باب جديد وهو باب الجنائز. On commence aujourd'hui inshallah ta'ala un nouveau sous-chapitre dans عمدة الأحكام et c'est le sous-chapitre concernant الجنائز. فالجنائز هو جمع جنازة. Al-Janaiz, en arabe, c'est le pluriel de Jinaza, ou alors on dit aussi Janaza. Wa qalatil ulama Janaza bi fathil jim ay al-mayyit wa Jinaza bi kasriha ay alladhi yuhmalu alayhi al-mayyit. Et donc les savants, ils nous disent que Al-Janaza, le mot Al-Janaza avec une fatha au-dessus du jim, cela signifie le mort en lui-même. Et le mot el-jinaza avec une kesra sur le jim, sous le jim, cela signifie donc le lit ou pas le lit, mais du moins l'élément sur lequel est porté le mort, l'élément sur lequel est posé le mort lorsqu'on le transporte. Et certains savants comme Cheikh Ibn Uthaymin rahimahullah, il nous dit wa hadha fihi al-amrun latif, il y a en cela un point important à méditer, le fait que el-jinaza avec une fatha, el-fatha tunasibu el-ulu. La fatha correspond à ce qui est au-dessus. C'est pour ça que la fatha est au-dessus de la lettre. Et le mort est au-dessus, justement. Et tandis que el kasra, tunasibu el asfal. Wa serirul mayyit asfaluhu. Et donc la kasra, elle correspond plus à ce qui est en bas. Et d'ailleurs, l'élément sur lequel est posé le mort, cet élément est en dessous du mort. Sauf qu'il y a d'autres savants qui nous disent le contraire. D'autres savants, ils nous disent « El-Jinaza » pour l'élément sur lequel... Donc « El-Jinaza » pour l'élément sur lequel on met le mort et « El-Jinaza » pour le mort. Donc on peut utiliser ce mot dans un sens ou dans l'autre. « Inch'Allah ta'ala » « Wa dhakar al-mu'allif fi hadha al-bab ma yata'allaku bi ghusli al-mayyit wa salati alayhi wa ma yunha » L'auteur, il nous cite dans ce sous-chapitre des hadiths qui concernent le lavage mortuaire ainsi que la prière sur le mort et tout ce qui est interdit lorsque il y a un mal qui nous touche, donc la mort qui touche un membre de la famille. Et autre sujet que cela, inshallah ta'ala. Et donc le premier hadith, le hadith al-awwal an Abi Huraira radiyallahu anhu qala نعى النبي صلى الله عليه وسلم النجاشي في اليوم الذي مات فيه وخرج بهم إلى المصلى فصف بهم وكبر أربعا. Selon Abi Huraira رضي الله عنه qui dit que le prophète صلى الله عليه وسلم a annoncé la mort de النجاشي. Donc ici le terme نعى que j'ai traduit par le fait d'annoncer la mort. Il a annoncé la mort de النجاشي durant le jour, donc le jour de sa mort, et il est sorti avec eux, donc il est sorti avec les compagnons, jusqu'au lieu de prière. Certains savants qui nous disent c'était le lieu du Eid, là où ils accomplissaient la prière du Eid. Et il les a alignés en rang, il a aligné les compagnons en rang, et il a fait 4 takbirat. Il a fait une prière mortuaire avec 4 takbirat. في هذا الحديث مسألة النعي. Il y a dans ce hadith le sujet qu'on appelle النعي, ce que j'ai traduit par le fait d'annoncer la mort de l'individu. فجاءت بعض الأحاديث فيها النهي عن النعي كما أخرجه الترمذي عن حذيفة قال إذا مت فلا تؤذنوا بي. Et donc il y a certains hadiths qui montrent qu'il est interdit de faire cela, al-na'y. Qu'il est interdit de faire cela, comme donc dans le Jami' de Tirmidhi, Hudhayfa qui dit, si je meurs, alors n'informez pas, n'annoncez pas ma mort. Fa'inni akhafu an yakuna na'yan. Car je crains que cela soit du na'y. Le na'y, donc le fait d'annoncer la mort de quelqu'un. فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن النعي. Et certes, j'ai entendu le messager d'Allah صلى الله عليه وسلم interdire النعي, interdire l'annonce de la mort de quelqu'un. وهذا الحديث في إسناده ما قال لكن حسنه جمع من العلماء ومنهم الترمذي والألباني رحمة الله على الجميع. Ce hadith, il y a quelques petits problèmes dans sa chaîne de transmission, mais il y a plusieurs savants qui l'ont quand même jugé Hassan, correct. Parmi eux, il y a Al-Tirmidhi, lui-même qui l'a rapporté, et aussi Al-Albani, qu'Allah fasse miséricorde à tous nos savants. Taïb. Et donc, on a ici dans ce hadith, le hadith qu'on voit aujourd'hui, dans Sahihayn, le fait que le prophète, il a annoncé la mort de Najashi. Et le hadith de Hudhayfa qui nous dit qu'il a entendu le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, interdire le fait d'annoncer la mort de quelqu'un. فَالْجَمْعُ بَيْنَ الْحَدِيثَيْنِ هو أن ما جاء في جواز النعي هو ما فيه الإخبار عن موت الميت بسيرة مشروعة. Et donc, comment est-ce qu'on rassemble les deux hadiths? Un hadith qui nous montre la permission, l'autre qui nous montre l'interdiction. Eh bien, en fait, les hadiths qui nous montrent la permission, ce sont des hadiths qui concernent le fait d'informer de la mort de quelqu'un d'une façon légiférée. Tu informes de la mort de quelqu'un d'une façon légiférée. Wa ma jaa fi an-nahyi 'an an-na'yi fa huwa ma kana yaf'aluhu ahlul jahiliyyah. Et les hadiths qui sont rapportés montrant l'interdiction de an-na'yi, l'interdiction d'informer la mort de quelqu'un, c'est ce que faisaient les gens durant la période anté-islamique. Min as-siyah عند أبواب الأسواق وكذلك في الأماكن المرتفعة والغلو في الميت في الثناء عليه. Et donc qu'est-ce qu'ils faisaient? Donc les gens durant la période anti-islamique, ils criaient à l'entrée des souks, ou alors sur un lieu élevé, le fait de crier pour annoncer la mort de quelqu'un, ou alors le fait d'exagérer en faisant des éloges sur le mort, ah, il était ci et il était ça, etc., etc. Voilà ce qui est interdit. Par contre, le fait d'annoncer la mort de quelqu'un, fait de la bête s'habille. Il n'y a pas de mal en cela. Bel kodiakun wajiben, quand le bardou ahlul ilm. Certains savants nous disent qu'il se peut que ce soit obligatoire. Parce que, salat wal al-mayyit, fardou kifaya. Le fait de prier sur le mort, c'est quelque chose qui est une obligation communautaire. Obligation communautaire, c'est-à-dire qu'il est impératif qu'il y ait une partie de la communauté qui accomplisse cette prière. Si personne ne le fait, on est tous pécheurs. Et donc, si tu sais qu'il y a une personne, un tel qui est mort, il y a un tel qui est mort, et que toi, par exemple, tu ne peux pas prier sur lui, etc., etc., pour telle et telle raison, annonce-le aux autres, pour que les gens puissent faire cette prière mensuelle sur lui. Annonce-le aux autres, afin que les musulmans accomplissent cette obligation. Il est donc obligatoire d'accomplir la prière mensuelle. C'est une obligation communautaire. وكذلك جاء في صحيح مسلم ما يدل على أهمية هذا الأمر. Il y a dans صحيح مسلم un hadith qui montre l'importance de cela, le fait que les musulmans soient au courant de la mort d'un individu. L'imam مسلم nous cite dans son صحيح selon Ibn Abbas رضي الله عنهما que le prophète صلى الله عليه وسلم a dit: ما من مسلم يموت فيقوم على جنازته أربعون رجلا لا يشركون بالله شيئا إلا شفعوا فيه. Il nous dit sallallahu alayhi wa sallam, il n'y a pas un seul homme qui meurt et qu'il y a 40 hommes qui prient sur lui. Et ces 40 hommes n'accordent aucun associé à Allah tabaraka wa ta'ala sans qu'il leur soit accordé l'intercession le concernant. Et donc il est accordé à ces 40 hommes l'intercession concernant ce mort. وَهَذَا أَمْرٌ جَمِيلٌ. Et ça c'est important ça. لِأَنَّهُمْ يَدْعُونَ لَهُ. Car lorsqu'ils vont prier sur lui, ils vont invoquer pour lui. وَفِي هَذَا أَمْرٌ جَمِيلٌ أَيُّ الْإِخْوَةِ. Il y a aussi en cela un point important. هَذِي الْمَسْأَلَةَ أَيْ هَذَا الْبَبُ. Ce sous-chapitre. قُلْنَا ذَكَرَ فِيهِ الْمُؤَلِّفِ أَحَادِيثِ فِيهَا غُسْلُ الْمَيِّتِ. L'auteur, il nous a ici cité des hadiths. On va le voir, Inch'Allah, des hadiths qui concernent le lavage mortuaire. أَلَيْسَ هَذَا الْبَبُ قَدْ يُقَدَّمُ إِلَى كِتَابِ الطَّهَارَةِ. Est-ce qu'on ne peut pas avancer ce sous-chapitre dans le chapitre de la purification? Dans le chapitre de la purification, on a vu les différents types de purification, El Wodo, El Rousl, les grandes ablutions. Pourquoi est-ce qu'on ne voit pas aussi Rousl El Meyit? Pourquoi est-ce qu'on ne le voit pas aussi à ce moment-là? Pourquoi est-ce qu'on le retarde jusqu'à la fin de Kitab ou Salat, où on va voir Bab El Janaiz? Les savants, ils nous disent, لِأَنَّ الصَّلَاةَ عَلَى الْمَيِّتِ أَهَمُّ مَا يَخُصُّ الْمَيِّتِ مَا يَفْعَلْهُ النَّاسِ لَهُ. Ils nous disent, pourquoi? Parce que la prière mortuaire, la prière sur le mort, c'est la meilleure chose et la plus importante qu'on peut faire pour lui. Le rousle, c'est bien. Il faut faire le rousle mortuaire, il faut l'enterrer. Mais invoquer pour lui cette prière durant laquelle on va invoquer Fakat Zahaba, Zahaba min dar al-amal. Ça y est, il s'en est allé, il a délaissé la résidence des œuvres. C'est fini pour lui l'accomplissement des œuvres. Fayahtaj ila man yad'u lahu. Il a besoin qu'il y ait des gens qui invoquent pour lui. Voilà pourquoi cette prière mortuaire, la prière sur le mort, c'est une prière qui est importante. Voilà pourquoi on voit que les savants, dans le fiqh, dans le hadith, en général, ils retardent ce sujet, même s'il y a des sujets, même si c'est lié à la purification, ils le retardent au sujet de la prière, pour tout rassembler ensemble. Pour tout rassembler ensemble, le lavage mortuaire, la prière sur lui, le kefen, l'enterrement, etc. Ils le mettent tous ensemble dans le chapitre de la prière. Parce que la prière, c'est ce qui est le plus important. إذن يحسن إخبار الناس لحضور الجنازة. Et donc, il est bien d'informer les gens afin qu'ils viennent assister à cette prière mortuaire. وإذن لو مات الشخص عليه دين فيسمع بذلك صاحب الدين ويذهب إلى أهل الميت يطلب حقه. Et aussi, si ce mort, il avait une dette, alors la personne à qui revient cet argent, elle entend parler de la mort de l'individu, elle va donc voir la famille de l'individu pour demander son dû, comme le taqsim et tarika, avant le partage du patrimoine de ce mort. Avant le partage du patrimoine de ce mort. Et donc ça, c'est important. C'est important. Voilà pourquoi il faut bien, comme on dit, il faut bien rassembler les hadiths qui ont été rapportés dans un sujet pour pouvoir bien comprendre le sujet. Wa fil hadith mu'jizatun min mu'jizati an-nabi sallallahu alayhi wa sallam. Il y a dans ce hadith un des miracles du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Faqad akhbara bi maut an-najashi fil yawm alladhi mata fi. Il a informé de la mort de Najashi le jour de sa mort. Ma'al bu'di fil masafati bayna al-Médina wal Habasha. Malgré cette grande distance qu'il y a entre Médine et al-Habasha. Wa laysa fi hadha az-zaman jawal wala shay. Il n'y avait pas de téléphone à cette époque, pas d'avion, pas de Twitter aujourd'hui. Une personne est morte, annonce sur Twitter, il y a 2 millions qui l'ont vu en 2 minutes. Il n'y avait pas ça. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été donc informé de la mort de Jibril et tout cela venant de son Seigneur tabaraka wa ta'ala. Wa qad takallamna fi hadhihi al-mas'ala. Et certes, on a déjà abordé ce sujet. Fa innal anbiya ya'tuna bid-dala'il ad-dalla 'ala sidq kalamihim. Certes, les prophètes lorsqu'ils viennent, ils viennent avec des éléments qui appuient, qui montrent le caractère véridique de leurs propos, des signes. وقد تكلمنا عن هذه المسألة وذكرنا بعض ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. On a déjà abordé son sujet, on a déjà cité certains éléments, certains signes qui montrent la véracité des propos du prophète صلى الله عليه وسلم. Et ça, vous pouvez le trouver dans la série qu'on avait fait, une guidée pour les chrétiens. Wallahu a'lam, c'était le dernier cours. Vous pouvez vérifier, inshallah ta'ala. واستدل بعض العلماء بهذا الحديث على عدم جواز الصلاة على الميت في المسجد. Certains savants, ils se sont appuyés sur ce hadith pour dire que il n'est pas permis de faire la prière mortuaire dans la mosquée. Dans la mosquée. Et ça, c'est le madhhab de Al-Malikiyya et aussi Al-Ahnaf, les savants du madhhab Hanafite. Pourquoi? Parce qu'on voit dans ce hadith que le prophète, il est sorti avec les compagnons, il est sorti avec eux. وكذلك هذه المسألة لها تعلق بمسألة رأيناها في كتاب الطهارة. Et aussi, ce sujet, cette divergence, elle est liée à une autre divergence qu'on avait vue dans le chapitre de la purification. Quelle était cette divergence? Est-ce que la personne, quand elle meurt, est-ce qu'elle est pure ou pas? Est-ce que cette personne est pure ou pas? فإن بعضهم قالوا إن جثة الميت نجسة. Et donc ils disent, certains savants, ils nous disent que le corps du mort, il est impur, comme tous les autres corps morts, des animaux ou autres. Le corps du mort de l'individu est impur, il devient impur. Et on a vu que l'avis le plus juste dans ce sujet, lorsqu'on l'a vu dans le chapitre de la purification, c'est que le croyant ne devient pas impur. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui nous dit « Inna al-mu'mina la yanjus hayyan wa la meyitan » Certes, le croyant ne devient pas impur, qu'il soit vivant ou mort. Qu'il soit vivant ou mort. Impur, ce qui est voulu par là, c'est l'impureté physique. L'impureté physique, c'est-à-dire qu'il ne rend pas impur celui qui est en contact avec lui. Attention. De la même façon, qu'on a aussi l'impureté, on a aussi l'impureté spirituelle. Le croyant n'est pas impur spirituellement. Pourquoi? Parce qu'il a le tawhid avec lui. Il a la pureté du tawhid avec lui. Et donc, il est pur corporellement et spirituellement. Ça, c'est important de le comprendre. Pourquoi? Parce que lorsqu'on va au sujet de l'incroyant, l'incroyant, est-ce qu'il est impur? On l'avait vu cette divergence aussi. Est-ce qu'il est impur? Est-ce qu'une personne non musulmane peut venir dans la mosquée comme ça? On va dire, ah non, non, non, il est impur, il va salir la mosquée. Non, lorsqu'on voit donc l'impureté des incroyants, ce n'est pas une impureté corporelle, c'est une impureté spirituelle. C'est une impureté spirituelle, il faut bien le comprendre. Barakallahu fikum. Et donc, l'avis le plus juste, al-rajih, ma dhahaba ilayhi al-shafi'iyya wal-hanabila. L'avis le plus juste, c'est l'avis de l'imam de l'école Shafi'ite et l'école Hanbalite, qui est que on peut faire la prière mortuaire fil masjid ou fi ghayr al masjid. On peut faire la prière mortuaire à la mosquée et à l'extérieur de celle-ci. La preuve, ma akhrajahu muslimun fi sahihihi an Aisha radhiyallahu anha annaha qalat ma salla rasulullah sallallahu alayhi wa sallam ala suhaylid « Ala suhaylin ibn Bayda illa fil masjid » Aïcha radiallahu anha qui nous dit « Le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a accompli la prière mortuaire sur Suhayl ibn Bayda que dans la mosquée. » Il n'a fait cette prière mortuaire que dans la mosquée. Et donc ça nous montre que cela est permis. « Wa kadhalika akhraja ibn Abi Shayba fil musannaf an urwa annahu kal » Ibn Abi Shayba, il a cité dans son livre Al-Musannaf, selon Urwa, qui nous dit, la prière, ce qui est voulu ici, la prière mortuaire, n'a été accomplie sur Abu Bakr et Omar que dans la mosquée. La prière mortuaire de Abu Bakr et Omar n'a été accomplie que dans la mosquée. Pour finir, juste un commentaire d'Ibn Hajar. Ibn Hajar qui nous dit ici, fi Fath al-Bari, هذا يقتضي الإجماع على الجواز. Et nous dit Ibn Hajar, et donc cela implique l'unanimité concernant la licéité, le fait qu'il est permis de faire la prière mortuaire dans la mosquée. L'unanimité. Il nous montre ici Ibn Hajar un point important, c'est que oui, il y a une divergence. Il y a certains savants qui nous disent non, on ne peut pas faire la prière mortuaire dans la mosquée. Mais il nous montre attention, les compagnons. Al-Muhajiroun et les Ansar, ils ont fait la prière mortuaire sur Abu Bakr et Omar. Il n'y a pas eu qui que ce soit qui a reproché cela. Ils ont donc été unanimes. On a donc unanimité ici en haut avant que la divergence n'arrive dans la communauté musulmane, et donc on doit revenir vers cette unanimité. Et ça, c'est une preuve qui est quand même très importante. Voilà pour aujourd'hui, inshallah ta'ala. On continue demain l'explication de ce hadith et du hadith suivant, inshallah ta'ala. Wafak Allahu al-jami' lima yuhibbuhu wa arda. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Jazakumullahu khairan.